t'as jamais rencontré, tu t'es jamais confronté, t'es flippé. Et le conflit, tu sais pas ce que c'est. Quoi que t'en dises, toi t'es un paumé, tu t'es jamais confronté, tu t'es. Non, faut le dire, tu t'es jamais fait amocher. Ça fait un gars, ça fait des dégâts, ça fait un mec qui dit pas des mots que tu vois, tu sais. Jamais fait amocher. Thank you. Thank you. How kind you are towards yourself. your suffering here. You're no worth nothing to anybody else. If you are blaming yourself, you won't be no use, no help, and the world's lit now. Thank you. like the hatred. I'm failing. Voilà, I wasn't even thinking.